Ceci est un audio généré issu de l'article 3 janvier 1973, ce jour où la France a vendu son âme, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Le jour où tout a basculé. Imaginez un instant. Nous sommes en 1970. La France construit des autoroutes, lance le TGV, bâtit des hôpitaux et pose les premières pierres de son programme nucléaire. Tout ça sans s'endetter comme aujourd'hui. Incroyable, non? Pourtant, un matin de janvier 1973, une petite phrase dans une loi technique va tout faire basculer. Discrètement. Sans débat. Presque en cachette. Depuis, on paye. Chaque année. 50 milliards d'euros. Juste pour le droit d'exister. Voici l'histoire de ce 3 janvier 1973, la date où la France a perdu le contrôle de sa propre monnaie. Georges Pompidou, l'homme de la banque à l'Élysée. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder l'homme qui entre à l'Élysée en 1969. Georges Pompidou. Ce n'est pas un militaire, ni un héros de guerre comme de Gaulle. C'est un banquier. Mieux, un homme de la banque Rothschild. Il y passe 18 ans. Il y devient directeur général. Il y apprend comment fonctionne la dette, comment on structure les emprunts des États, comment les banques privées gagnent de l'argent sur le dos des nations. Il connaît les codes, il parle le langage de la finance internationale, écrivent ses biographes. En 1962, De Gaulle le nomme Premier ministre. Pas élu, juste nommé. En 1969, il est élu président. 7 ans plus tard, la loi qu'il prépare avec son ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, va changer la France à jamais. Sa biographie officielle raconte un homme moderne, pragmatique. Pourtant, elle oublie de dire qu'il pose alors la première pierre d'un système qui mettra la France sous tutelle financière. Le « circuit du trésor », l'arme secrète des 30 glorieuses. Avant Pompidou, la France fonctionnait avec un mécanisme simple. On l'appelait le « circuit du trésor ». Concrètement, quand l'État avait besoin d'argent pour construire une école ou payer ses fonctionnaires, il demandait à sa banque centrale, la Banque de France, de créer la monnaie nécessaire. Sans intérêt. Ou presque. C'était un circuit souverain. L'État empruntait à lui-même. Les banques privées, elles, ne touchaient rien. Zéro. Elles regardaient ça de loin, sans pouvoir grignoter leur part. Ce système a financé les 30 glorieuses. Et pourtant, les manuels d'économie d'aujourd'hui le traitent d'archaïque, de dangereux. Drôle, non? Les archives du Trésor public montrent pourtant que ça fonctionnait. La France se modernisait sans dette écrasante. L'article 25, le coup d'État légal du 3 janvier 1973. Et puis arrive le 3 janvier 1973. Ce jour-là, une loi passe sous les radars. Son nom, loi numéro 73-A7. Personne n'en parle. Pas de débat à la télé, pas de manif dans la rue. C'est technique, financier, ennuyeux. Mais à l'intérieur, un petit article 25 est modifié. Une seule phrase change tout. Désormais, le Trésor public ne peut plus présenter ses propres billets à l'escompte de la Banque de France. Traduction, l'État n'a plus le droit d'emprunter directement à sa propre banque. Il doit désormais passer par les marchés financiers privés. Comme un particulier qui va voir sa banque pour un prêt. Sauf que là, l'emprunteur, c'est la France. Chaque emprunt génère des intérêts. Ils partent dans les poches des banques, des fonds d'investissement, des créanciers. Le texte original sur Légifrance est toujours là. Il suffit de le lire. C'est l'acte de naissance de la dette moderne. 50 milliards par an, l'addition cachée. Les conséquences? Elles sont mathématiques. En 1979, la dette française représente environ 20% du PIB. En 2023, elle dépasse les 110%. Mais le plus choquant, c'est le coût annuel. En 2024, la France verse plus de 50 milliards d'euros d'intérêts à ses créanciers. 50 milliards. Avant même de rembourser un seul centime du capital. Vous visualisez? C'est le budget de l'éducation nationale. Ce sont des hôpitaux qu'on ne construit pas. Des profs qu'on n'embauche pas. Des chercheurs qu'on ne paye pas. Les chiffres de l'INSEE sont implacables. Depuis 1973, la France a versé plus de 1 700 milliards d'euros d'intérêts. Une somme qui pourrait tout changer si elle était restée dans les caisses de l'État. Mais elle est partie. Chez qui? Banque française, BNP, Société Générale, Fonds de pension étranger, assurance. Tous se servent au guichet de la dette publique. Le meilleur placement du monde, risque zéro, rendement assuré, comme disent les traders. Maastricht, le verrouillage définitif. Mais 1973, ce n'était que le début. En 1992, le traité de Maastricht vient verrouiller le système. L'article 104 interdit définitivement à toute banque centrale européenne de financer directement les États. Ce qui était une loi française devient une règle européenne. Constitutionnelle. Irréversible. Sauf à sortir de l'Europe. Pendant ce temps, les Américains, eux, n'ont pas ce problème. En 2008, la Fed rachète des milliers de milliards de dettes. En 2020, elle recommence. L'Europe, elle, hésite, tergiverse, limite. Pourquoi? Parce que les règles ont été écrites par et pour ceux qui veulent que les États restent dépendants des marchés. Le texte du traité ne ment pas. Il suffit de savoir lire entre les lignes. Autoroute et fleurons, le grand dépeçage. Et ce n'est pas fini. Regardez ce qui s'est passé avec nos autoroutes. En 2006, sous Chirac, l'État vend les concessions autoroutières à des fonds privés. Pourquoi? Officiellement, pour réduire la dette. Mais les chiffres montrent l'inverse, l'État perd des milliards de recettes chaque année, et les péages explosent. Le rapport de la Cour des comptes est clair, les concessionnaires s'en mettent plein les poches. Même chose pour EDF, La Poste, les aéroports de Paris. On vend les bijoux de famille pour éponger provisoirement les déficits, créés par la loi de 1973. Le cercle vicieux est parfait. Et maintenant? Les leçons d'une histoire. Alors voilà. On pourrait finir sur ce constat amer. Mais ce serait trop simple. Parce que cette histoire, elle nous apprend quelque chose d'essentiel. La dette n'est pas une punition divine. Ce n'est pas la pluie ou le vent. C'est un choix. Un choix politique fait un jour de janvier 1973. Et ce qui a été choisi peut être déchoisi. Aujourd'hui, des parlementaires redécouvrent cet article 25. Des économistes proposent de refinancer la dette par la Banque centrale pour investir dans l'avenir, la transition écologique. Des citoyens, comme vous, lisent ces lignes et comprennent que le système n'est pas une fatalité. La vérité, c'est que la souveraineté monétaire n'est pas perdue à jamais. Elle dort. Elle attend qu'on la réveille. La première étape, c'est de savoir. Maintenant que vous savez, à vous de réfléchir à ce que vous voulez en faire. L'histoire ne dit pas quoi penser. Elle pose juste la question, et maintenant, on fait quoi ?